Midi 37, vous écoutez Chiz 94,3, la table d'hôte. Nous sommes en direct de nos fantastiques studios et avec nous, pour jaser une nouvelle technologie, Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ben, écoute Raymond, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas fait de la radio ensemble, c'est... le retour finalement de toi et moi en compagnie de Louis toujours évidemment ben oui. qui est là et aujourd'hui tu nous parles de cybersécurité et là j'aimerais commencer comme je le fais toujours. Qu'est-ce que ça mange en hiver la cybersécurité? Parce que bon, ça dit ce que ça dit mais je pense que c'est pas mal plus large qu'on pense. Effectivement, fait quand on pense à cybernétique, quand on pense à des virus, des attaques de hackers, des choses comme ça, on pense d'emblée ben, au web parce que c'est la première source quand on parle de cyberespace, donc de cette cyberguerre, de ces cyberattaques. Mais évidemment, faut élargir un peu le spectre de tout ça. Donc oui, il y a l'internet, c'est une vaste majorité quand on parle de cybersécurité, donc des préoccupations et des problèmes qui viennent de là. Mais il y a aussi tout le dossier de l'informatique embarquée, par exemple quand on parle de systèmes informatiques dans nos autos, quand on parle aussi de systèmes informatiques au sens large un peu partout, de réseaux internes, etc. Donc, c'est vraiment toute la préoccupation de la criminalité, mais à l'intérieur du cyberespace. Et évidemment, quand on parle de sécurité, bien, c'est comment réussir à contrer cette criminalité-là, à la comprendre et à y réagir. Et tu m'as mis la puce à l'oreille parce que l'autre jour, j'ai écouté un reportage assez intéressant sur... tout le monde connaît McAfee, ils font des antivirus pour les ordinateurs. Et là, on est en train de développer chez McAfee un antivirus pour les voitures. Et ça, c'est assez particulier parce qu'on apprend, bon, il y a de plus en plus d'ordinateurs dans les voitures modernes. On apprend que un hacker pourrait te suivre sur l'autoroute et réussir à entrer en communication avec ta voiture. Et si t'as pas d'antivirus, peut contrôler ta voiture à distance. Et ça, c'est freakant, là. Ça veut dire qu'on peut bloquer l'accélérateur, les freins. Ça peut devenir dangereux. Mais plus on met dans le fond d'informatique, plus effectivement il y a des besoins de défendre aussi l'informatique qu'on intègre. Ce qu'on remarque, exemple avec bon les iPhones, iPads, tablettes et autres, eh ben qu'il y a donc des nouveaux spectre d'intervention, si on peut dire, qui devront être protégés. Pour l'instant, c'est pas encore des perspectives généralisées. Bon, oui, il y en a dans des systèmes informatiques, que ce soit dans des hôpitaux ou ailleurs. Il y a sûrement des logiciels malveillants, comme tu dis, il y en a sûrement dans l'informatique embarquée, mais c'est pas encore, à ce jour, des terrains utilisés de manière générale par les hackers. Par contre, ça le devient de plus en plus. Et donc, ça implique de plus en plus de protection. Si tu me parlais de McAfee, si on regarde seulement au niveau du mobile, je pense qu'il y a eu des hausses d'à peu près, 185% de hausse de logiciels malveillants dans les premières années. En 2011, on parlait de 1300 logiciels malveillants dans des terminaux mobiles contre 900 l'année précédente. Donc, ça monte très rapidement, ça prend de plus en plus de place et c'est qu'on remarque que ces réseaux-là, bon, peut-être moins pour les automobiles, pour les systèmes informatiques, mais par contre, pour le mobile, c'est que ça devient des portes d'entrée extrêmement intéressantes vers l'entreprise, vers les institutions pour lesquelles on travaille, parce que toute cette mouvance du, comment dire en anglais, du bring your own device, apporte ton propre appareil. Et donc, ce qui fait que ces appareils-là ne sont pas régis en fonction des codes de sécurité de l'entreprise, ne sont pas nécessairement utilisés selon les codes de sécurité de l'entreprise et sont utilisés dans des contextes hors de l'entreprise, mais contiennent des informations qui peuvent être sensibles, que ce soit des courriels, que ce soit des documents sur les tablettes, effectivement, il y a quand même plus de possibilités de prise de notes, de partage d'informations via les Dropbox et autres. Et donc, ça cause aussi plusieurs maux de tête aux gestionnaires de la sécurité informatique. Est-ce que je me trompe ou... t'es presque en train de nous rassurer en nous disant bon que de plus en plus on s'intéresse à cette sécurité-là, on veut renforcer les barrières finalement, mais il n'y a pas là une espèce de double tranchant dans le fait que plus il va y avoir des règles de sécurité, plus les hackers vont être intéressés à vouloir franchir ces règles-là, hein. Plus on met de règles, souvent... plus on a le goût d'enfreindre les règlements. Oui, j'ai l'impression, moi, que les cybercriminels le procèdent un peu de façon gratuite comme ça, puis quand ils voient un mur, ils ont le goût, ils ont une frénésie d'aller le traverser. Ben, c'est ça. C'est un peu ça, non? Ben, il y a deux axes, en fait, à votre question. Premier axe, donc quand on parle d'évolution des technologies, donc à chaque fois qu'on crée chez McAfee, par exemple, un nouvel antivirus, une nouvelle version qui protège contre telle ou telle infection, on s'entend que les personnes qui sont probablement parmi les mieux informées sur ces technologies-là, autres que les gens de McAfee, mais c'est des gens qui essaient de développer des virus qui vont les contourner. Donc, à chaque évolution technologique, à chaque évolution dans les manières de sécuriser les réseaux, eh bien, il y a effectivement évolution aussi des types d'infections. Donc, c'est vraiment une lutte de tous les instants entre ces différentes instances-là. Donc ça, c'est clairement le premier élément. Deuxième élément, en fait, c'est de comprendre justement qui fait ces attaques-là. Donc oui, il y a peut-être des idées d'attaques gratuites, autres, simplement pour le plaisir, mais c'est pas aussi généralisé qu'on pourrait l'imaginer. Et de manière générale, on peut cibler à peu près 5 types d'intervenants qui vont justement s'attaquer au réseau, qui vont essayer d'aller chercher de l'information qui peut être pertinente ou intéressante. On pense aux cybercriminels au sens large, donc ceux qui sont peut-être plus intéressés à aller faire de la fraude, à aller chercher nos identités pour les pirater, pour les vendre, pour les utiliser. Donc, il y a quand même des marchés à l'international, exemple pour les numéros de carte de crédit ou autres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les cybercriminels. Il y a également, donc quand on parle d'industrie, d'État, donc les compétiteurs, les gens qui vont être intéressés à hacker à l'intérieur des systèmes pour aller chercher de l'information compétitive, pour aller percer des secrets d'entreprise, des secrets d'État. Les hackers qui, justement, comme tu disais, le font pour le plaisir, pour le défi. Les activistes aussi, donc HAK, là on pense par exemple à tous les gens d'Anonymous, par exemple. Ouais, ouais. Donc les gens qui s'affrontent des systèmes cybernétiques pour une cause, pour une raison sociale. On l'a vu notamment avec les affaires Wikileaks et autres, donc c'est un bel exemple, et ça, ça risque de prendre de plus en plus de place, et ça crée d'autres types de maux de tête parce que les raisons sont autres que technologiques, sont autres que criminelles, mais amènent à des actes criminels. Et enfin, il y a les employés aussi, donc il y a des gens qui sont déjà à l'intérieur des entreprises et qui, par accident ou de manière délibérée, vont amener des mauvaises utilisations, vont intégrer peut-être des virus ou autres dans les systèmes dans les systèmes informatiques qui sont en place. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs parce que ça amène un changement dans les attaques où certains cybercriminels se sont dit c'est peut-être plus facile d'aller cibler l'individu et de l'amener à volontairement intégrer un système malveillant dans les systèmes informatiques plutôt que d'essayer de hacker à travers les firewalls, les protections, etc. Et donc, on le voit tranquillement, on reçoit tous du spam régulièrement, que ce soit sur Twitter, Facebook ou par courriel. Mais tranquillement, ces types d'envois de masse-là vont être de plus en plus précis et le deviennent d'ailleurs de plus en plus. Et sournois aussi. Et sournois, parce que dans le fond, par inadvertance, ben, on peut cliquer sur un lien qui amène le virus et là qui va permettre d'infecter l'ensemble du système et de créer des accès qui ne sont pas souhaités. Tout ça, c'est assez apeurant. Bon, parce que pour les gens qui connaissent pas beaucoup le domaine, ça peut quand même devenir une jungle assez facilement. Je dirais, point positif, il y a peut-être une sorte de hacker que tu n'as pas nommé, et je sais que ça existe. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas faire de mal, entre guillemets. Il y a des hackers qui veulent seulement voir où ils peuvent aller. Où ils peuvent aller. Puis jamais, ils seront pas intéressés par l'information, ils seront pas intéressés par faire crasher, si on veut, certains systèmes. Ils veulent juste être capables d'aller le plus loin possible puis de déjouer les systèmes de sécurité. C'est une sorte de hacker, si on veut, et eux sont là juste pour le plaisir, finalement. En fait, je suis tombé récemment sur un rapport en France qui essaie d'évaluer justement comment ça va progresser, comment ça va évoluer cet univers-là, ces menaces-là. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'essentiellement, comme le cybernétique, on le disait au départ, prend de plus en plus de place dans nos vies, ben, on va dupliquer les systèmes qui sont déjà présents dans le réel et simplement les transposer vers le cybernétique. Donc, l'avenir de la cybercriminalité, ça va être d'éventuellement de devenir une ramification réelle, virtuelle de la criminalité qu'on a aujourd'hui et de tous les axes de criminalité qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est certain. Donc si les gens qui repoussent des limites dans le monde réel, il y en a. Dans le monde virtuel, il y en a. Donc, comme on le disait, par plaisir, par appât du gain, pour des raisons sociales ou autres. Donc ça va se transposer là-dessus. Et le défi, ben, ça va être pour, dans le fond, les gestionnaires de ces réseaux-là, d'un côté, de rester en avant d'eux au niveau technologique et parallèlement. Et c'est pour ça aussi, j'ai l'impression, exemple, en Europe, présentement, ils sont en plein mois de la cybersécurité. Il y a une dizaine de pays à peu près qui font des mesures, bon, d'un côté d'entraînement, mais de l'autre côté de sensibilisation. Donc, on doit faire prendre conscience aux utilisateurs, utilisatrices de systèmes informatiques que la première frontière, la première barrière, au bout du compte, c'est eux dans leurs usages et dans les outils qu'ils prennent pour accéder justement au web et pour diffuser de l'information qui parfois peut être plus sensible qu'on le pense. Et Raymond, en terminant, la bonne nouvelle dans tout ça, et tantôt Louis et moi, on parlait de délation, on parlait de Lino Zambito et de la commission Charbonneau, c'est qu'il y a de plus en plus de hackers qui sont recrutés par les compagnies de sécurité et on les utilise à bon escient finalement. On dit, t'as été capable de traverser notre firewall, ben maintenant, fais-en un plus solide. Donc ça, c'est peut-être ce qui pourrait rassurer les gens. Et si tu veux, je pourrais terminer avec une 10 conseils rapides. Oui. Donc, pour voir un peu comment on peut régler ça, première chose, en fait, il y a une frontière entre donc la vie privée, la vie publique. Donc, essayez de rester conscient du type d'information qu'on transite. Exemple, si je travaille sur mon compte en bancaire avec mon appareil mobile, eh bien, il est peut-être plus sécurisé si je le fais avec mon réseau d'entreprise qui est sécurisé, avec mon réseau 3G qui est sécurisé, plutôt que d'aller le faire sur le réseau Wi-Fi gratuit du centre d'achat à côté, qui, lui, est peut-être un peu plus perméable aux attaques. Donc, restez conscient de l'aspect dangerosité. Parallèlement, donc, en parler, donc essayer de sensibiliser les employés, les gens à cette réalité-là. Ensuite, s'il y a des incidents, ben que les entreprises en fassent une gestion rapide et ensuite puissent aussi en faire une évaluation pour savoir et pour prendre conscience du type d'incident auquel on a à répondre. Ça donne rien se préparer contre des cyberguerres si tout ce qu'on a, c'est des spams par courriel. Donc, faut quand même aussi ajuster les réponses au type de problème qu'on a. Et ensuite, ben gérer les privilèges utilisateurs au niveau des administrateurs système, s'assurer qu'on peut facilement enlever ou couper des gens du réseau, faire aussi une surveillance assez active de ces réseaux-là pour voir s'il y a des activités qui sont surprenantes, et ensuite, ben, faire de la configuration de la sécurité des différents systèmes. C'est, selon certains rapports, donc essentiellement 10 points, 10 démarches qui peuvent assurer une certaine imperméabilité du réseau ou du moins diminuer les risques de cyberattaque. Bref, ne pas mettre le nom de son chien comme mot de passe. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. Si les gens veulent en savoir plus, citis.laval.ca, le site de l'Institut de technologie de l'information et société. Sinon, sur le site de l'Observatoire francophone des TI, ofti.org. Raymond Poirier, notre chroniqueur nouvelle technologie, qui est chargé de communication, bien évidemment, à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval, ici même.